Tortoli e Arba Tax, la radio numero uno in Italia. Tortoli e Arba Tax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Si vous pensiez passer une petite heure tranquille, effectivement ça va être le cas. Vous écoutez Tortoli Arba Tax, bienvenue à tout le monde. Arba Tax n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, il a forcément de bonnes raisons à se faire pardonner. Il n'y a pas de souci, il doit être sûrement en train de préparer les 6 prochaines émissions de la prochaine saison. Voilà, on va vous faire un mix spécial Festival de Dour, puisque ce week-end c'est le Festival de Dour. Et voilà, ce mix va inclure tous les... Enfin pas tous, mais une bonne partie de ce qu'on attend ce week-end au Festival de Dour, à savoir du hip-hop, du reggae, du dubstep, de l'électro. Et ça commence direct par une petite bombe, Bomba Estéreo, et le titre c'est Oupa Re. Bomba Estéreo qu'on retrouvera le dimanche. C'est le dimanche à Dour. Bienvenue à tous. Que te voy a poner a vacilar. frente, caliente, caliente, ritmo pa' la gente. De frente, caliente, caliente, ritmo pa' la gente. Caliente, pa' la gente. Mina no lo Le groupe s'appelle Orchestre Polyrythmo de Cotonou et le titre, je saurais pas vous le prononcer, Nudemaninchedeme. Impossible, je vous balance un jingle analphabète. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question. D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Du bon son dans tes oreilles, ça continue avec Cut Chemist, Sound of the Police. C'est une émission spéciale d'our, un mix plutôt spécial d'our puisqu'il n'y aura pas trop de blabla. C'est pas plus mal pour vos oreilles. Moins de conneries, plus de son. Le son s'appelle justement Sound of the Police de Cut Chemist. Un mec qui a collaboré notamment avec DJ Shadow, avec Jurassic 5, j'en passe, et des meilleurs. Et il sera ce week-end à Dour. Listen up! Enchaîne avec Grems, G-R-E-M-S, et le titre s'appelle Rencontre avec un ballon. Attention, ça fait très mal aux oreilles. Okay. Moins de 18 ans, ça peut tenir. Métro Blanche, direction Clichy-Mairie, RTD pour une performance. Jolie fille veut me faire offrande, de ses orifices, alors on fait comment? On se mobilise, ouais, on se mobilise, pourquoi on se fait autant? Jolie cuisse, étonnante, ma folie me guide, je suis un cerf-volant. Je suis chaud ici, même pas besoin de payer le restaurant. Je suis juste un gros ici, et ça c'est éloquent. J'arrive à la station, j'ai pris la ligne qui frappe la nation. Je sens que ma vie va faire des tractions, de la musculation. Je suis bien la fellation, je crois que tu crois, c'est une putain de relation. Il est 16, ils sont pas chez elle, tout est permis, elle est belle fille, technique, à ton identité, énergie. De quoi simplifier les esprits, de quoi raviver ses résines, de quoi sa pièce d'être, oui. Ça sent la chatte, bon, bon, à la angle au direct. Peux plus faire le beau alors je le gère le dos dissec. Active la petite de nos biceps. Ouais, j'ai grossi et toi aussi t'as de jolies fesses. Nuisette, pas le morceau, la bête de meuf. Le gigot d'agneau, la pièce de bœuf. La cuisson commence, la cible, une couleur flossette. Même je la bouffe, car je la baisse de sœur. Qu'est-ce qu'elle aime le crème, sa bohème, les poèmes, à bon passage. Alors à quel problème de surf. Elle est trop belle, trop belle, trop chienne de l'œuf. Un phénomène, trop frais, le must. Nos peines, c'est comme disait une grosse merde de cœur. Je suis une paix, pas plus de téléphone, faire le cœur. Je me lève, je prends le oeil, je bluffe, je tends l'oreille, j'ai trop de flot, quand je gagne, je suis fier de bust. Ça sent la chatte, le ballon dans le cul, tu vas voir. Mais ça va être sympa. Ça sent la chatte, tu. Je te lèche les couilles. Ça sent la chatte, sympa. Tu. Ça sent la chatte, chatte. Pouille, chatte, pouille, long, le cul long. Dans le ballon dans le cul, tu vas voir. Ça va être sympa. Chatte, tu. Chatte, tu. Chatte, tu. Lécher les couilles. Not.

Bienvenue, vous êtes de retour sur Tortelier Batax sur le 105.4 Radio Panique. Et en ce mardi 12 juillet, on a une invitée spéciale, Giada. Salut Giada. Yo, ciao. On a décidé de l'inviter, enfin, on s'est concerté pour qu'elle nous parle de Dour Festival. Giada a décortiqué le programme avec ses petits yeux, ses grandes oreilles surtout. Oui. Yes. Et du coup, là, par exemple, ce qu'on s'est écouté juste derrière, c'était Noisia. Oui. Avec le titre. Ouais. Regular Jacket. Regular Jacket. Ouais, le tout nouveau single, il est sorti il n'y a même pas 2 semaines pour le label Vision. Et si vous les avez ratés à Botanique il y a un mois, il y a un moyen de trouver une très bonne soirée à Dour, car ils ont sorti plein de nouveaux singles après l'album Split Atom. Ok. Donc, Et Noisia, de tête, on va les retrouver quand? Quel jour sur Dour? Ah, c'est le jeudi. C'est le jeudi. Le premier jour dans la de Bals qui voit pour le jeudi une très bonne affiche de 18h jusqu'à 5h du matin. Il y a moyen d'écouter de la très très bonne drum and bass. Cool. Ouais. Et par exemple, est-ce qu'on pourra écouter dès le jeudi Original Sin? Ouais. Dès le jeudi? Ouais, c'est dès le jeudi à 8h, de 8h à 9h30. Et Original Sign, il a sorti il y a très peu de temps un nouveau EP qui s'appelle I Love It. Et yes. On va écouter la. On va écouter la chanson direct? Bah ouais. Ok, vous l'avez compris, Giada est avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On va partir sur de l'électro, dubstep. Voilà, on va se mettre bien, tranquillement. Et là, c'est Original Sin, I Love It. We'll be right back. Azouébré, c'est Tortoli et Arbatax sur Radio Panique. Parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui ? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi ? Je n'osais pas te le demander. Alors ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est Radio Panique. De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez l'émission Tortoli et Arbatax, Tortoli sans Arbatax, Tortoli sin Arbatax, mais avec une spécialiste. La spécialiste décortiqueuse du programme du festival de Dour qui se tient justement à Dour ce week-end, à savoir les dates 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, un truc non, comme ça. 18, non. Non, pas 18. Ok, 18, c'est le retour. Ouais. Et voilà, dans cette deuxième partie d'émission, c'est Giada qui nous a fait une selecta électro dubstep, comme vous avez pu l'entendre. Ouais. Et là, juste avant, on s'est écouté quoi ? Boys Noise. Boys Noise, ça c'est la chanson O tirée de l'album Oi Oi Oi, Oi. Ah, je l'avais celui-là. Celui-là, je l'avais. Ouais, trop trop bien. Boys ouais. Noise qui est allemand. Ouais. Comme, un duo de Berlin. Ouais, comme Hausmeister, non ? Vu ouais. Le nom, à mon avis. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Et après Boys Noise, qui joue le jeudi soir. Ouais. Dans la dance hall, il y a aussi Dim et DJ The Tronic. Yes. Si j'ai bien prononcé. Non, c'est ils bien. Font partie aussi, merci. font partie aussi du même label. Et on verra aussi le vendredi dans la scène Club Circuit Marqué, les Petits Pilous. Ok. Qui sont français ouais. Parisiens, ouais. Qui font partie du même label et vont jouer avec Jack Beats, Steve Aoki. Là aussi, c'est une belle soirée. Ouais. Je vois le sourire quand tu évoques tous ces noms. Oui. Donc, il y a des Allemands, des Français, mais est-ce qu'il y a des Italiens? Non. Non. J'ai vraiment très, très bien décortiqué la liste et je n'ai vu aucun Italien. Le seul qui je pense, ah ouais, peut-être c'est italien, c'est Romano Nervoso. Mais je crois qu'ils sont italiens de la Louvière. Italien de la Louvière. Donc tu seras une des seules représentantes, puisque Giada est italienne, une des seules représentantes de l'Italie. Mais bon, je suis sûr que tu vas trouver quelques compatriotes. Ouais, j'y crois bien. Voilà. Ouais. Suffit de mettre un petit masque de Berlusconi et vous allez voir. Et on le répète tout de suite. Très bien. On enchaîne directement avec Flying Lotus. Oui. Alors, Flying Lotus qui vient des States, ouais. C'est ça? Ouais, et qui... The Warp. Qui a signé sur le label Warp, et là tu nous as choisi le titre Satellite. Ouais. Parce qu'il y a au moins 5 i dans le titre. Ouais, j'y crois, 5 ou 6. Ouais. C'est tiré de l'album, dernier album Cosmogram. Ok. Très bon album. Okay. Tu me lances le top, hein. Tu me dis quand t'es prête. Ok. Bye. C'est parti. Tortoli, Herbatax, invité spécial Giada, décortiqueuse, et c'est Flying Lotus Satellite. Et là, tout de suite, c'est Martine avec le titre Left Under. Martine, qui est de nationalité hollandaise. Hollandaise, ok, très bien. Et toi, tu me disais que tu l'avais découvert Le dubstep. En fait, il a produit des morceaux dubstep avec TRG et d'autres producteurs dubstep. Ouais. Mais là, il a sorti des choses beaucoup plus minimales et on va écouter un de ces morceaux. Et là, le titre s'appelle Left Under et Martine, il sera au Festival de Dour le quel jour? Oui. Le jeudi. La colle. le jeudi. Ouais. Très bien. Vous écoutez Tortoli et Herbatax. C'est le 105.4, c'est Radio Panique. Et le titre qui suit, c'est Martine avec Left Under. Yo. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. We'll be right back. want the people to have a fucking good time, say yeah! Voilà, de retour sur les ondes de Radio Panique, c'était Caspa avec le titre Marmite. Oui. Djada, notre spécialiste de Dour pour cette année. Ouais. Est-ce que toi aussi t'es doué dans la marmite? Est-ce que... Bah. Moyen, tu veux pas te prononcer. Non. C'est juste rappeler qu'il y a d'autres artistes de Dab Police, le label de Caspa, ouais, qui vont jouer samedi à Dour. Charles Netcha, qui va jouer. Juste avant Caspa à la de Balzal, ouais. Rappelez ça quoi. Ouais. C'est très important. C'est très important. En tout cas, important. Toi tu y seras. Oui. Et donc voilà, tous les auditeurs masculins, vous êtes conviés à aller voir Djada et accessoirement Caspa. Yes. Voilà. On touche à la fin. Je sais pas si tu le sens du bout de ton doigt, Djada. on touche le bout de l'émission. C'était une spéciale Dour Festival qui se déroulera le 14, 15, 16, 17, mais pas 18. Mais pas 18, malheureusement. Donc voilà, ce week-end, et vous rappelez qu'il reste encore des tickets, il me semble, non? Très très peu. Très hein. Très peu. Très très peu. Très très peu, tu les as déjà. Donc. Tu les as déjà tous achetés, oui. Peut-être? Oui. Oui, c'est bah ça. Oui, parce que je veux pas que d'autres filles voient Caspa avec voilà. Moi. D'accord, donc tu seras la seule. Très bien. Eh bien, merci Djada d'avoir remplacé Arbatax. Merci à toi. Au pied levé. Magnifique. Et comme dans toute émission de Tortelier Arbatax, on se quitte avec un classique. Et là, ce coup-ci, t'as choisi une des grosses têtes d'affiche du festival. Ouais, Cypress Hill. Cypress Hill, ouais. Et le titre, là, c'est... Yo quiero fumar. Tu veux fumer? Bah oui, pourquoi pas. Ok, très bien. Allons fumer. Cypress Hill, I Wanna Get High. On vous quitte avec l'ami Djiboutique. J'ai essayé de faire une rime, ça a pas marché. Ciao, merci Djada. Ciao. Yo quiero fumar, mota. lugar. Saca papeles porque quiero fumar.